Audiomatique. Le projet grec Zen Garden ouvrait cette transmission 209 d'Audiomatic avec sa composition Minotaure de son album Simple Thought. Les électronistes savent que la transmission hebdomadaire d'Audiomatic n'est que illusion de la continuité, puisqu'un jour, tout s'arrêtera. Thank you. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de la formation américaine To Destroy a City, de leur plus récent album Go My Rage. Nous entendions la pièce She Knows. Avant To Destroy a City, nous écoutions le projet Hero de l'artiste Alexander Dietz, qui est mieux connu en fait comme étant le guitariste de la formation de metal allemande Heaven Shall Burn. Donc de son projet solo Hero, c'était la pièce Wither, tirée de son premier album Horizon, sorti en 2011. Nous enchaînons à Audiomatic avec la musique du projet Kirill. We'll be right back. à Audiomatic. Il s'agissait de Natacha Atlas, artiste belge d'origine égypto-anglaise, qui nous présentait la pièce Bat Kalim de Son of Egypt, remixée par l'artiste algérien Cheb I Saba. On retrouve cette version sur l'album Moon Kaliba Rising de Remixes, tandis que la version originale est parue sur l'album Moon Kaliba In a State of Reversal. Et pour débuter cette séquence, on avait droit à l'artiste macédonien Kirill Jaikovski, de qui nous entendions la pièce Sweet Darkness of Solitude de son album Homebound. C'est maintenant le projet DJ Food que nous allons écouter à Audiomatic. La séquence de deux pièces se terminait avec la composition Erase du projet Asura et pièce qui se trouve sur l'album 360. Avant Asura, on entendait le projet DJ Food, ici formé par Patrick Carpenter et Kevin Folks, et la pièce The Crow. Les électronistes ont pigé cette pièce sur la compilation At Home at Sunrise de l'étiquette Moonshine Music, mais elle se retrouve aussi sur l'album de DJ Food intitulé Kaleidoscope. Pour conclure cette transmission 209 d'Audiomatique, nous vous ferons jouer la chanson Five Little Rooms du groupe américain Menomena, qui fait partie de la scène musicale foisonnante de Portland en Oregon. Les électronistes vous retrouvent mercredi prochain dès 17h sur les ondes du 89.1 FM pour la transmission 210 d'Audiomatique. Nous vous invitons à explorer le contenu de nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Vous y trouverez toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Menomena et la chanson Five Little Rooms. C'était Audiomatique avec les électronistes. From your next to a McDonald's in a suburban shop.